Mon premier amour, par Adolphe Dennery. J'étais alors l'âge heureux de 18 ans. J'habitais rue des Fossés du Temple, une toute petite chambre meublée d'un lit de sangle, d'une table en bois blanc, de 2 chaises de paille, d'une cuvette en faïence et de son pot à eau, et c'était tout. Elle était bien triste et bien humide, cette pauvre mansarde. Le soleil n'y pénétrait jamais. Les 50 francs par mois que je gagnais chez M. Lagrainé, dessinateur et peintre d'ornement, me nourrissait d'une façon très restreinte et ne me permettait que rarement, pour me chauffer, le luxe d'un maigre cotteret de bois. J'avais très souvent froid et presque toujours faim, à l'âge heureux de 18 ans. Quand ma tristesse faisait trêve, je ne cessais de regarder la maison d'en face. En temps ordinaire, elle était vieille et laide, mais elle devenait tout à coup à mes yeux plus belle qu'un palais de roi lorsqu'une certaine fenêtre venait à s'entr'ouvrir. La maison où je logeais n'avait que 4 étages, et je demeurais au 4e. L'autre en possédait 5, et la bienheureuse fenêtre en question éclairait une petite chambre perchée au 3er étage. Plus rapprochée du ciel que de la mienne, la mansarde d'en face était habitée par un ange. Figurez-vous une adorable tête blonde d'une douceur exquise. Les yeux, d'un bleu clair, avait été découpée dans un coin du pur firmament. La peau fine et transparente avait emprunté sa teinte à la pâle rose du Bengale, et les frisons légers des cheveux semblaient une toile d'araignée magique faite de fil d'or où mon cœur se prenait. En 2 mots, j'étais amoureux fou de cette tête délicieuse. Par malheur, puisque j'habitais un étage au-dessous de celui de ma voisine, je ne pouvais apercevoir que son visage. Les détails charmants de sa taille m'échappaient, mais je me les représentais sans peine. Il y avait même dans ce demi-inconnu de celle que j'aimais un attrait mystérieux de plus. Je pouvais me figurer que l'ange avait des ailes. Il m'eût été bien facile de faire une enquête sur le compte de cette jeune fille, d'apprendre qui elle était et comment elle vivait. Mais encore une fois, je trouvais un charme tout particulier à mon ignorance et je me gardais bien de m'instruire. Ce fut beaucoup plus tard que j'appris le nom de la charmante créature. Elle s'appelait Marie-Marion, du nom de la Sainte Vierge répété 2 fois, et personne, cela se voyait bien, n'était plus digne qu'elle de le porter. Je finis par savoir aussi qu'elle vivait uniquement du travail de ses pauvres petits doigts, qui cousaient comme ceux d'une fée, qu'elle était seule au monde, et qu'elle n'avait pas plus d'amis ou de camarades que de parents. Seul un pinson emprisonné avec elle était son compagnon. L'oiseau chantait souvent, la jeune fille ne chantait jamais. Il y avait plusieurs mois que nous demeurions en face l'un de l'autre, et avec le temps, j'avais fini par m'imaginer que ma voisine n'était pas insensible à mes œillades désespérées, car elle se penchait souvent, les regards fixés de mon côté. Certainement, elle ne me regardait pas d'une façon bien directe, mais j'attribuais à une réserve charmante les précautions que ses yeux semblaient prendre pour m'apercevoir à la dérobée, tout en paraissant se diriger sur un point de la maison placé plus bas que mon 4e étage. J'ai été ravi de cet embarras pudique. Un jour, trouvant décidément que mon stage amoureux avait assez duré, j'inventai quelque chose qui me sembla on ne peut plus ingénieux. Je pris une grande feuille de papier et j'écrivis en gros caractères « Je vous adore, Adolphe ». Puis, ayant affranchi cette missive avec une pluie de baisers, je l'approchai de ma fenêtre la première fois que je vis apparaître à la sienne la tête de ma délicieuse voisine. Je fis alors 2 ou 3 « M, M » très accentués pour attirer son attention. À cet appel, il fallut bien que Marie-Marion releva sur moi ses yeux qu'elle tenait obstinément baissés. Elle lut les 3 paroles qui lui étaient adressées et me répondit par un sourire où il y avait peut-être un peu de sympathie, où il y avait à coup sûr beaucoup de tristesse. Affligé de cette mélancolie, je me livrai à une pantomime vive et animée qui avait la prétention d'exprimer ceci. « Vous paraissez tout attristé. Mon amour est-il donc pour vous une cause de chagrin ?» Pour toute réponse, elle monta sur un petit tabouret et, se détournant un peu, s'offrit à mon regard presque de profil. Un froid glacial me courut aussitôt dans les veines. Hélas, ce n'était pas des ailes que l'ange portait à son dos. C'était une bosse horrible qui partait du milieu de la taille pour monter jusqu'à la naissance du cou. Cette infirmité me parut d'autant plus douloureuse à voir que la beauté du visage était plus saisissante. On eût dit que la nature avait pris un cruel plaisir à gâter son œuvre la plus parfaite. Je n'avais pu retenir un geste de terrible désappointement. Marie-Marion s'en aperçut et m'y répondit, par un nouveau sourire, mais si navré celui-là, que les larmes m'en vinrent aux yeux. « Au moins soyons amis, » balbutiai-je, la main appuyée sur mon cœur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et j'y devinai une réponse affirmative. La généreuse enfant acceptait mon amitié sans rancune. Plus tard, je devins son confident. J'appris alors une chose qui étonna ma vanité et qui m'affligea même jusqu'à un certain point. Ce n'était pas moi que Marie regardait à la dérobée quand ses yeux se portaient de mon côté. Au-dessous de mon pauvre logis, au troisième étage, se trouvait un appartement où demeurait un jeune homme avec son père, un sculpteur distingué. Comme moi, et même bien avant moi, Georges B. s'était épris de notre voisine. Mais son amour, plus robuste que le mien, avait résisté à la découverte de sa triste infirmité. Et s'étant assuré que la pauvre Marie-Marion était une brave et honnête fille, digne de devenir la femme d'un honnête homme, il avait, en tremblant, parlé de cet amour à son père. Le célèbre sculpteur, peu soucieux de la fortune, aurait peut-être bien accordé son consentement au mariage de son fils avec une simple petite ouvrière. Mais la pratique de son art lui avait inspiré le culte de la forme, de la pureté des lignes, de la beauté. Et il se révolta à la seule pensée de voir Georges faire entrer un être infirme dans sa famille. Mis au courant de ces douloureuses aventures, j'adressai à Marie-Marion d'affectueuses consolations et, depuis lors, je ne cessai point de lui envoyer, chaque matin, un fraternel signal, auquel la pauvre enfant répondait en secouant tristement la tête et en levant vers le ciel ses deux grands yeux bien souvent remplis de larmes. Une nuit, j'avais veillé assez tard à l'atelier afin de terminer un travail pressé. Je rentrai chez moi, sans lumière, et avant de me mettre au lit, je levai machinalement les yeux vers la chambre de Marie. Sa lumière, à elle, brillait encore, et je remarquai sur les vitres de sa fenêtre une lueur rougeâtre que ne pouvait certainement produire la chandelle de ma voisine. « Comme la lune a des reflets singuliers ce soir, » pensai-je. Puis je me couchai sans y arrêter davantage mon attention. J'eus cependant de la peine à m'endormir. Cette lueur insolite avait dû me trotter par l'esprit pendant mon sommeil, car bientôt, je devins la proie d'un cauchemar affreux. Je rêvais que le feu avait pris à la maison d'en face et que Marie-Marion était sur le point de brûler vive. Je me réveillai en sursaut et tout en me rendant bien compte que je sortais d'un rêve, je me relevai pour m'assurer qu'il n'y avait aucun danger à craindre. À mon grand étonnement, la lueur rougeâtre durait encore. Cependant, je constatai qu'il n'y avait pas de lune au ciel. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Pour en avoir le cœur net, je montai sur ma table de travail. À peine élevé sur mon observatoire, un spectacle singulier et terrible à la fois frappa mes regards. La pauvre Marie-Marion, le visage couvert d'une pâleur mortelle, achevait de se parer d'une blanche robe de mariée. Elle attacha à sa tête et à son côté une couronne et un bouquet de fleurs d'oranger. Puis, ayant achevé cette étrange toilette, elle éteignit sa lumière et la lueur rougeâtre se dessina plus vive dans la chambre, où j'aperçus alors un fourneau de charbon de bois embrasé. Je voulais crier, je voulais courir. Une force invincible clouait mes pieds à la table. Je restai à regarder, dans une immobilité terrifiée, stupide. Je vis alors la douce et charmante créature, à demi asphyxiée déjà, qui se dirigeait en trébuchant vers son lit. Elle fit un signe de croix et s'étendit, prête à s'endormir d'un sommeil dont elle ne se réveillerait plus. Subitement, la raison et la mémoire me revinrent. J'avais entendu dire quelques jours auparavant que le sculpteur allait emmener son fils en province pour lui faire épouser une de ses parentes. Marie-Marion préférait mourir plutôt que de voir Georges devenir le mari d'une autre. Il voulait être enseveli dans la robe de mariée qu'elle avait préparée pour leurs noces, alors qu'elle espérait devenir sa femme. En me rappelant et en comprenant tout cela, je m'habillai précipitamment. Bientôt, je descendais et sonnais à l'étage du dessous. Je sonnais à tout rompre. Cependant, il me fallut attendre quelques minutes, qui me parurent un siècle avant que le jeune homme vînt m'ouvrir. Je lui appris le spectacle dont je venais d'être témoin, et lui laissant le soin d'aller chez Marie, je courus à la recherche d'un médecin que j'amenais une demi-heure après. Quand j'entrai dans la chambre de Marie, je trouvai Georges désespéré, agenouillé au pied du lit et sanglotant. Il était arrivé trop tard. Lorsqu'il avait enfoncé la porte à coups de pied, Marie-Marion ne respirait déjà plus. Malgré tout, le médecin voulut tenter un dernier effort pour la ramener à la vie et essayer de l'insufflation artificielle. Pendant qu'il achevait, mais sans espoir de succès, d'avoir recours à toutes les ressources de son art pour lui faire reprendre connaissance, je trouvai sur la table une lettre de Marie à l'adresse de M. Georges B. Je la lui remis et la lus à haute voix, les yeux pleins de larmes. C'était un récit bien touchant. La mère de Marie, orpheline dès son enfance, n'avait eu à 16 ans ni guide ni appui qui pût la préserver des pièges de la séduction. Elle avait succombé, et au moment de mourir, elle songea au complet abandon dans lequel Marie-Marion, presque une enfant encore, allait se trouver à son tour. Pour que la fille échappât au péril qu'elle n'avait pas su éviter elle-même, elle lui avait fait jurer de se donner l'apparence de l'horrible infirmité que nous devions tous lui connaître plus tard, et de la conserver jusqu'à l'âge où sa raison serait assez forte, c'est-à-dire jusqu'à sa 20e année. Marie avait promis. Elle s'était ensuite montrée religieusement fidèle à son serment, et elle en mourait. La lettre venait de tomber des mains de Georges lorsqu'un cri s'échappa de la poitrine du médecin. « Elle vit, elle respire, elle est sauvée » s'écria-t-il. Et pour donner un jeu plus libre au fonctionnement des poumons de la pauvre enfant, il arracha le corsage de la robe de mariée qui avait dû lui servir de linceul. Alors nous apparut un adorable buste de jeune vierge, d'une grâce et d'une perfection sans pareille. Un homme était entré pendant la lecture de la lettre, c'était M. B., le sculpteur, qui, réveillé en même temps que son fils, par mes appels désespérés, s'était décidé à le rejoindre quelques instants après. En ce moment, Marie-Marion était revenue entièrement à elle. En voyant au pied de son lit celui pour lequel elle s'était résignée au suicide, elle crut se trouver déjà dans un paradis ouvert. Il tendit les bras au bien-aimé. Georges hésitait. Son père le conduisit près d'elle. « Embrasse ta femme, » lui dit-il. « Tu ne trouveras jamais une plus belle et plus digne d'adoration. Et vous n'en trouverez jamais une meilleure et qui vous aime davantage, » dis-je à mon tour, non sans pousser un soupir de regret. Telle est l'histoire de mon premier amour. Adolphe Denry.